En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. Ça vaut quoi tous ces choix repêchage-là? Est-ce que les Canadiens ont quoi, 13 ou 14 choix repêchage? Est-ce que ça en vaut la peine de mettre les yeux dans le même panier? On en parle avec notre spécialiste. Vous l'entendez très, très souvent. Il est rendu une bible au 91-9, Simon Boisvert. Salut, Snake! Snake, avant de commencer, je vais te faire commenter les propos de Barry Trott mardi suite à l'acquisition de Jean-Gabriel Pageot. Il dit « Je suis tellement fier de l'acquisition de Jean-Gabriel Pageot. On l'a eu pour des choix repêchage. » Il dit « Des choix repêchage, il dit, ça vaut rien. Il y en a plusieurs qui vont même pas dans la Ligue nationale. » Difficile de le... Difficile. Tandis que Jean-Gabriel Pageot, lui, il a atteint la Ligue nationale puis il va nous aider. Difficile d'aller contre ça, hein? C'est sûr que Barry Trotz a un bon point quand tu regardes ce qui arrive aux choix de première ronde, particulièrement ceux qui sont choisis entre 20 et 30. Ouais. Parce qu'en général, c'est ça que les clubs échangent. Il y a des exceptions. Mais à la date limite des transactions, en général, les clubs vont échanger des choix entre 20 et 30. Ça, là-dessus, je lui donne le point. Alors, c'est sûr que la majorité vont être des joueurs de troisième trio ou ne feront pas la Ligue, mais tu peux trouver aussi un David Pastrnak là-dedans. Ouais, ouais. Bon. La plus grosse, je dis toujours pour ma musique, la plus grosse transaction de l'histoire du Canadien, c'est positif, c'est Serge Savard qui l'a fait avec un choix repêchage. Robert Picard contre Patrick Roy. Ben oui. Ouais. Ben oui, en 84, ben oui, je me rappelle. Ouais. Alors, tu sais, c'est ça qui. Je pense que ça dépend toujours où est-ce que ton équipe en est rendue dans son développement. Parce que moi, des fois, je vais avoir un échange. Telle équipe va échanger un premier choix pour tel joueur. Je me dis, ça, c'est bon. Dans le cas des Islanders, j'étais pas d'accord, parce que d'après moi, les Islanders ne sont pas des aspirants à la Coupe Stanley. Ensuite de ça, il faut que tu regardes le genre de joueur que tu vas chercher. Jean-Gabriel Pageot, il connaissait la saison de sa carrière. Il y avait un pourcentage de réussite, tir au but, but marqué, qui était très élevé, je pense 18%. Je pense pas qu'il répète ça dans le reste de sa carrière. Mais pareil, Snake, c'est un gars de série, Jean-Gabriel Pageot, par exemple. Oui, mais ça demeure quand même un gars de 28 ans, à qui tu donnes un contrat de 6 ans. Qui, dans le fond, c'est pas un gars, d'après moi, qui va faire bouger les grilles pour les Islanders. C'est pas la différence entre se rendre en finale puis gagner la Coupe. Et je pense pas que dans les prochaines années, ça va faire une grosse différence non plus. Donc, donner un premier choix contre Pageot, pour moi, c'est pas nécessairement super productif. Contrairement, disons, à Tampa, qui, eux, vont donner un premier choix pour Bartley Goodrow. Ouais. Parce que eux, Tampa Bay, ils se disent on est peut-être à un joueur près de la Coupe. Alors, tandis que les Islanders, c'est même pas sûr qu'ils vont faire les séries. Ouais. Hein, ils sont quand même en quatrième position. Ils se battent avec Columbus, Caroline. Alors imagine-toi, là, mettons que c'est un choix qui est peut-être, en bout de ligne, peut-être 18e ou 20e. Et puis que Ottawa va se sélectionner un bon joueur avec ça. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné aux Islanders de faire ça? Si les Islanders, dans les 4-5 prochaines années, ne gagnent rien, et si à un moment donné, disons, à 5 millions par année, le contrat de Pageot devient un boulet, ce qui est toujours une possibilité. Ben, c'est sûr qu'un gars comme Jean-Gabriel Pageot, un gars qui est très intense, habituellement, c'est le style de joueur intense. Généralement, quand ça arrive à 30 ans, ça diminue pas mal. Hein? Oui. Cependant, Pageot, il a commencé sa carrière peut-être un petit peu plus tard dans la Ligue nationale, donc il est peut-être moins usé que d'autres. Ouais. Donc, je te dis pas nécessairement que c'est une mauvaise acquisition ou un mauvais contrat, mais je trouve que le commentaire de Trotz, autant il peut être quand même, autant comme ça tient la route, autant comme c'est pas une excuse que j'aurais utilisée, moi, dans le cas des Islanders en ce moment. Moi, c'est un échange qui m'a quand même assez renversé. Parfait pour Ottawa. Ils sont en train de se monter un bon club. Il s'agit juste maintenant que les recruteurs utilisent les choix à bon escient. Mais non, ça là-dessus, okay. Je donne Je descends mon pouce à l'envers pour les Islanders. OK. Donc, mais en tout cas, mais c'est très à propos pareil sur certaines affaires. Sur certaines... Ça dépend encore une fois. Ça va dépendre du futur. Si le choix est un pari national, ça vaut la peine aussi. Là. Ça dépend toujours. Là, s'il n'y en a pas, mais, s'il n'y en a pas les trois. Ouais. Mais ça dépend de ce que tu fais avec le joueur. Ouais. Moi je n'aurais pas donné un contrat de 6 ans à Jean-Gabriel Pageau. Oui, OK. Ouais. Alors, tu sais, une analyse de tout ça, je pense que maintenant, avec le plafond salarial, on doit prendre en compte 3, 4, 5, 6 facteurs et non simplement appliquer une théorie qui est déjà toute faite de il faut échanger ou il ne faut pas échanger les premiers choix. OK, OK. Dis-moi maintenant, c'est 14 choix, je les compte même plus, là. 14 choix du Canadien au prochain repêchage, 12, c'est quoi? Oui, c'est 14, c'est l'équivalent de 2 repêchages complets. Oui, 2, 14. Est-ce que ça vaut la peine tout ça? T'sais, est-ce que ça vaut la peine de travailler? Parce que moi, j'ai travaillé dans le domaine financier. Et ce qu'on me disait dans le domaine financier, mais pas tes yeux dans le même panier. Je m'explique que ça aurait pas été mieux d'avoir moins de choix en 2020 plutôt d'avoir en 2021, en 2022, tant qu'à ça? Oui, mais d'une certaine façon, je pense qu'il faut savoir aussi qu'est-ce que les autres équipes sont prêtes à t'offrir. Ouais. Et il y a aussi le fait que le repêchage a lieu à Montréal. Ouais. Et je crois, et ça c'est juste un guess de ma part, j'ai l'impression que le Canadien pourrait s'en servir pour aller chercher plusieurs joueurs de la Ligue junior majeure du Québec cette année. OK. Ouais, mais ça c'est juste un guess parce qu'ils n'ont pas, dans leur historique, là, ils ne font pas. OK. Cette année, peut-être dû au fait qu'ils ont 14 choix, je ne serais pas surpris qu'on aille dans les rondes ultérieures et pige dans la LGMQ. OK, OK. Puis dans la LGMQ, c'est quand même pas pire. Je t'ai déjà entendu parler. Donc, Lafrenière, il faut l'oublier. Un gars comme Jérémy Poirier, ça pourrait être intéressant, ça. Les comparaisons avec Thomas Chabot sont de plus en plus intéressantes, là. Oui, Jérémy Poirier, il a de la misère défensivement, c'est un là. Mais je pense que son talent offensif pourrait combler les lacunes défensives. Ça, on verra. Il y en a comme lui dans le passé, comme Ryan Murphy. Okay. Qui était un peu ce genre de joueur-là. Et tu vois, il n'a jamais vraiment percé dans la LNH à cause de ses carences défensives. Mm. Mais c'est sûr que Poirier pourrait être un corps arrière intéressant. Il y a aussi Hendrix Lapierre. Ouais. S'il peut prouver dans les séries éliminatoires qu'il est remis de ses commotions, je pense que s'il sera en deuxième ronde, probablement que le Canadien va le choisir. Et il y en a un autre, moi, que j'aime bien, mais qui pourrait probablement être parti avant la fin de la première ronde. Mais le Canadien, à ce moment-là, pourrait peut-être essayer de packager 2 ou 3 choix pour monter un peu de rang de sélection, c'est Maverick Bourque. Maverick Bourque, OK. Mais dis-moi, Snake, il y a quand même 14 choix. C'est 50 à la limite dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale, les joueurs par équipe. Ils ne joueront pas tout avec la Ligue. Donc, eux aussi accumulent ça pour espérer d'avoir dans la quantité qu'il y en ait au moins 3-4 qui soient là. C'est ça, parce que là, c'est l'équivalent du repêchage. Ouais. Normalement, il faut avoir 4 joueurs qui sortent de ça. Mais s'il y en a 2, ben ils vont dire « Ah, on en a eu 2 ». Puis là, ça donne des assises à Bergevin pour ne pas congédier Timmins. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Donc, l'affaire des 50 contrats, pour répondre à ta question, moi je trouve que c'est pas vraiment un problème. Parce que 50 contrats, ça se trouve un club plein dans la Ligue nationale, un club plein dans la Ligue américaine. Regarde ce qui se passe à Laval en ce moment. Ils sont obligés de signer des gars de la East Coast League, des agents libres, pour essayer de combler les 3e, 4e trios à cause des rappels et des blessures. Mm. Donc, moi, je pense que tu n'as jamais assez de joueurs et il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire. Dans les 14 joueurs, ils ne les signeront pas tous. Mm. Mais plus tu en as, puis plus tu te dis, ben OK, les gars, battez-vous pour les postes. Et puis, si on en signe, mettons, 8 ou 9 dans 2 ans ou dans 3 ans, ben à ce moment-là, tu as lancé plus de dollars. Ben oui, c'est alors, sûr. Moi, j'ai aucun problème avec ça, surtout que Trevor Timmins est tellement mauvais que plus tu lui donnes de chance, Ouais, c'est sûr. Ben écoute, c'est parce que quelque part, moi ce qui est au-dessus dans un repêchage, Snake, c'est que minimum, ça prend un joueur minimum pour par repêchage qui va jouer dans la Ligue nationale. 2, c'est un bon repêchage et 3, c'est un excellent repêchage. C'est exactement ça. Ouais. Normalement, ton choix de première ronde est supposé être un régulier, à tout le moins. Ouais. Ton choix de deuxième ronde, je te dirais que 2 années sur 3, il faut que ton choix de deuxième ronde contribue. Puis après ça, le reste... Non, c'est sûr que c'est... T'ailles en chercher. Il faut que t'ailles chercher des Brendan Gallagher. Mais Brendan Gallagher, ça fait 10 ans. Non, oui, c'est ça. Alors, à un moment donné, ça te prend un Brandon Gallagher peut-être à toutes les 3 ou 4 ans pour être capable à un moment donné de dire on assemble un club champion. Et puis à ce moment-là, ben. C'est sûr que quand tu regardes ça, Snake, Canadien, Kaden Primo a quand même été. C'est pratiquement l'alignement au complet. Oui, Snake, on t'a perdu pendant quelques temps. C'est sûr que là, le 3 ans, ça peut être Kaden Primo, là, par contre, là. Oui. Ça pourrait être Kaden Primo qui joue très bien à Laval. Ouais. Alors, tu vois, ça en ferait un, là. Ça fait longtemps de ça, là. Oui, ça fait longtemps. Hey, Snake, en passant, je veux te commenter ce qui s'est passé avec. Je veux te faire commenter. T'as fait un. Ce que t'as dit dans le. Puis ça a fait parler beaucoup. Ça, je sais pas où t'as dit ça, mais je sais que c'était repris par le site dans les coulisses et ainsi de suite. Que si tu serais un directeur général et t'aurais le premier choix, Alexis Lafrenière, ce serait pas ton premier choix, ce serait l'Allemand plutôt. Oui. Bon, moi, je veux simplement mettre une. Là-dessus. C'est sûr que. Si je suis le Canadien, je prends Alexis Lafrenière. OK. Pour la bonne choix, là. Raison, pour il va en émeu. Ben, non, mais c'est pas juste ça, mais c'est que l'écart entre les deux, pour moi, n'est pas suffisamment grand pour justifier de ne pas prendre le meilleur talent québécois depuis Vincent Lecavalier. Ouais. Tu sais, ça serait. Tu sais, à un moment donné, il faut toujours y aller avec le meilleur joueur disponible. Il ne faut pas juste avoir des considérations de langue ou de nationalité. Ouais. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu sortes de ta tête. Parce que ça demeure quand même, il y a un côté marketing à tout ça. Et Alexis Lafrenière, moi, j'ai toujours cru que ça soit un joueur à peu près du calibre de Mariano Sa. OK. Ce qui est excellent. Alors, oui, je préfère Tim Stutchley. Si j'étais n'importe quel autre des 30 équipes, je prendrais Tim Stutchley. Parce que je considère qu'il y a peut-être un petit peu plus d'upside que Lafrenière du côté offensif. Mais c'est sûr que un gars comme Mariano Sa, tu vas prendre ça dans ton équipe à tous les jours. Oui. Mais donc, pour moi, Lafrenière, il est numéro 2. Il n'est pas numéro 2 très loin en arrière. Mais je préfère quand même Stutchley. J'aime mieux. Je pense que ce gars-là est peut-être un petit peu plus dynamique. Il est un petit peu plus rapide. Et étant donné qu'il est un petit peu plus jeune, il y a d'après moi, plus de potentiel à développer. Okay. Alors moi, si, mettons, je suis les Red Wings de Détroit, ben je prends Stutchley. OK. Tu as parlé de 29 équipes, tu as parlé du Canadien, mais tu n'as pas parlé des Sénateurs. Est-ce que tu rentres les Sénateurs dans la même gang parce que tu as le marché de Gatineau? Ouais. Là? Ben, ça, à ce moment-là, les Sénateurs, ça peut être plus matière à réflexion. C'est vrai qu'il y a le marché de Gatineau. Ça, là-dessus, j'ai pas vraiment de réponse à te donner parce que, bien que je vive à Montréal, là, je connais pas le marché des Sénateurs assez bien pour me prononcer. OK. Hey, dernière question. L'Allemagne, tu penses-tu que d'ici 10 ans, parce que là, le Dreisaitl qui est là, qui fait le fiche de tout bois, il y a un Allemand qui est sorti au dernier repêchage qui est très, très bon. Il y en a un autre qui va sortir qui est excellent. Est-ce que c'est logique de penser que, puis on dit qu'en Allemagne, la banque de joueurs est intéressante, les ligues vont très, très bien. C'est-tu logique de penser que d'ici 5 ans, ça pourrait rejoindre la Suisse et d'ici un autre 5 ans, se battre avec la Finlande puis la Suède? Oui, ça, c'est une bonne question. Si tu regardes l'évolution du hockey depuis que les tournois internationaux ont commencé, moi, je remonte en 1976 avec la Coupe Canada. Il y avait les puissances à ce moment-là, étaient le Canada, l'URSS, les États-Unis, la Suède, la Finlande et ce qui était la Tchécoslovaquie avant, qui était la République tchèque et la Slovaquie, qui ont été divisées en deux. Ça n'a pas beaucoup changé, si tu remarques, depuis ce temps-là. Alors oui, la Suisse s'est améliorée, alors qu'avant, c'était un tout petit point sur le radar. Ouais. Oui, l'Allemagne s'est améliorée, mais il y a quand même du chemin à faire avant de dire, OK, on sort peut-être un bon joueur à tous les deux ans ou un très bon joueur à tous les deux ans et de dire, on va rassembler un groupe de 20 joueurs et on va arriver aux Olympiques dans un contexte où les joueurs de la Ligue nationale jouent et on va dominer. Je pense pas que. Je pense que 10 ans, c'est trop. Je pense pas parce. Oui, pour la bonne et simple raison que je vois pas de déclin dans les autres pays. OK. T'sais, on a beau dire le hockey canadien n'est plus ce qu'il était, Le hockey canadien, il est encore extrêmement fort. Oui, ouais, c'est ça. Le hockey américain, il s'est beaucoup amélioré depuis 20-25 ans. La Suède, la Finlande continuent à être des pépinières de joueurs. La Russie, c'est la Russie. Alors, ça va être très, très difficile de. Pour un pays comme l'Allemagne, de percer ce que j'appelle le Big Five. OK, OK. Mais est-ce qu'on va voir de plus en plus de joueurs comme Dreisaitl et Maurice Seider et Tim Stutchley? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui, puis c'est très bien. Ça fait un pays de plus. Écoute-moi, plus il y a de pays qui jouent, ben oui. D'ailleurs, la Ligue nationale le devient, puis moi, je suis très content. Effectivement. Snake, tu continues ton excellent travail au 91.9 et on s'en reparle de temps à autre. Hey, ça m'a fait plaisir, Danny. Notre ami Simon Boisvert.